J'ai voulu voir Paris comme un poème d'Apollinaire. J'ai vu Paris, son eau pas claire. Et j'ai Paris. Paris périt, les rimes ailleurs, comme la Seine s'en vont ailleurs. J'ai voulu voir Paris, comme sur des photos de douaneau. J'ai vu Paris, le sang des moineaux. Et j'ai Paris. En la demeure, les jours s'en vont et je demeure. J'ai voulu voir Paris comme sur l'étoile de Degas. J'ai vu Paris, vu les dégâts. Et j'ai Paris. Paris périt, les petits rats bientôt s'enfuient de l'opéra. J'ai voulu voir Paris comme l'avait chanté Trenet. J'ai vu Paris qui se traînait. Et j'ai Paris. Paris périt, les ribambelles, les ritournelles, c'est fini. J'ai voulu voir Paris en usant de mes propres yeux. J'ai vu Paris un petit peu. Ça m'a suffi.